Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 7 mai. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord du demi-marathon de Lévis. On a des résultats, mais pour ceux de la région seulement, on a un résultat pour Dolboum-Cessigny, on va vous le donner tout à l'heure. Donc au demi-marathon, Karine Lefebvre, qui est une ancienne résidente d'Allemagne, a remporté l'épreuve avec un temps de 1h21 et 48 secondes. La Chicoutimienne Nadia Bolduc, tant qu'à elle, a terminé avec un temps de 1h22 et 56 secondes. Au 10 km, c'est une victoire pour l'Almatoise Laurence Bouchard, qui a terminé avec un chrono de 37 minutes et 23 secondes. Dans le volet masculin, soulignons également la 10e place de Raoul Jardine Herrera de Métabetchouan. Il a réussi un temps de 36 minutes et 23 secondes. Maintenant, Alexandre Boulay a terminé 8e au demi-marathon avec un temps de 1h13 minutes et 2 secondes. Et Jean-Sébastien Sénégal de Jonquière a pris le 10e rang avec un chrono de 1h14 minutes et 24 secondes. Et chez les dames, Marie-Michel Fortin de Chicoutimi a terminé avec un chrono de 1h30 minutes et 30 secondes. Donc, et il y avait une athlète, pour le moment, on a seulement un résultat pour une athlète de Dolboum-Cessigny, c'est Daisy Dumais, qui a terminé avec un temps au demi-marathon de 2h13 minutes et 52 secondes. On devrait en avoir quelques-uns au courant de la journée. Maintenant, on va parler du joueur, c'était le gala méritant hier de la Ligue Midget 3A et Mickey Sim Awashish, qui est de Mastouillache, a gagné le mérite académique. Il a remporté une bourse de 1 000 $. Et Ligue de soccer élite du Québec, il y avait un match qui nous intéressait dans le U17 3A. Victoire du Collège Notre-Dame 5-1 sur le Collège Chinook. Ça se déroulait évidemment à Chicoutimi. Près de 150 personnes étaient présentes au terrain synthétique de l'Université du Québec à Chicoutimi. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.